ah, je n'ai rien inventé. Ah, tu vois les deux tomber. Ah, elle fait te vanter. Ah, chérie, tu t'es trompé. Elle c'est une mytho. Elle va me quitter pour des pipos. Elle sait chanter. Moi je fais genre j'ai pas le time. J'ai trop kiffé sans style. Arrête ton jouer à ça. Entre nous c'est pas stable. Elle a mis sa plus belle robe ce soir. Elle le savait qu'on allait se voir. On pourra jamais s'y revoir. Allez, come on, tu m'as rendu fada. Tu as tiré sur mon cœur, t'es une femme fatale. Moi je bombe trop, oui elle adore. Christian Dior, je lui ai fait cadeau. Elle a mis sa plus belle robe ce soir. Elle le savait qu'on allait se voir. On pourra jamais s'y revoir. Joue, joue, joue à ça. Elle joue, elle joue, elle joue à ça. Ah zoom, zoom, zoom.